et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission. Vous écoutez Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, j'ai concocté une émission spéciale sur le rock progressif d'Israël. Alors, quelle est la place que le rock progressif Israël prend sur la scène du rock progressif international? Eh bien, je vous dirais qu'ils sont 101 groupes sur les 21 700 que contient la base de données de Rock de Neurones, ce qui constitue à peu près 0,5% de la représentativité du rock progressif planétaire. Alors, ces 101 groupes-là œuvrent au sein de 14 sous-genres sur les 22 qui sont répertoriés dans la base de données. Et les trois sous-genres les plus achalandés sont le crossover avec 14%, le prog éclectique avec 19% et le metal avec 19%. Alors, parmi les 101 groupes qui constituent la base de données, j'en ai extrait 14 aujourd'hui pour l'émission. Et l'émission est répartie en 4 blocs de 30 minutes. En incluant les publicités. Et durant le premier bloc, ben, j'ai trois groupes à vous proposer. Le premier, c'est Sanhedrin. C'est un groupe qui joue du prog éclectique. C'est un groupe qui a un album studio en 2011. L'album s'intitule Ever After. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est Sanhedrin 2. Ensuite, on a Gadi Kaplan, qui est un guitariste d'origine israélienne, mais qui œuvre actuellement à New York. D'ailleurs, c'est ce que je me rappelle de la discussion que j'ai eue avec lui lorsqu'il est venu au festival Terra Incognita il y a quelques années. Il a trois albums studio, un en 2010, l'autre en 2013 et l'autre en 2016. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est Within the Clouds, tirée du deuxième album Look Back, Step Forward. Et on va conclure avec un groupe d'allégeance métal, c'est Amasefer. Ils ont eux aussi un seul album à leur actif. Ça a été produit en 2008. C'est un album concept sur Exodus. Alors, la pièce que j'ai choisie, c'est The Wooden Staff. Alors, on débute ça avec Sanhedrin. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et l'émission est consacrée aujourd'hui au rock progressif d'Israël. Ceux qui aiment le concept, bien, je vous invite à communiquer avec moi à partir de la page Facebook de l'émission Rock de Neurones, et je vais vous envoyer les liens pour écouter des émissions archivées, notamment celles du Brésil, des Pays-Bas, d'Argentine, d'Espagne. On a eu la Finlande, la Turquie et trois émissions consacrées au rock progressif italien. Alors, encore une fois, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et de me donner en privé une adresse courriel pour que je puisse vous envoyer les hyperliens. Alors, avant la pause, on avait trois groupes d'Israël. Alors, c'était Hamas FR, on a eu aussi Gadi Kaplan et Sanhedrin. Maintenant, pour le deuxième bloc de l'émission, on va commencer avec le groupe Anakdota. C'est un groupe qui porte l'étiquette éclectique, et ils ont l'album Overloading paru en 2016, et tiré de cet album-là, ben, je vous propose la pièce Girl Next Door. Ensuite, il y a un groupe qui a lui aussi un seul album à son actif, c'est le groupe Symposion, et l'album c'est Conda Buffer, qui est paru en 2005, et la pièce que je vous propose c'est Zona. Et ensuite, on aura Blackfield, qui est un groupe quand même assez prolifique. Il y a déjà 6 albums studio. C'est un groupe qui est associé au prog related, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement du prog. On lui prête l'étiquette prog, surtout parce que Steven Wilson en fait partie. Mais à mon avis, c'est un groupe qui est marginal par rapport au rock progressif. J'en fais quand même jouer une pièce qui est tirée de Open Mind, et la pièce, c'est Blackfield. Ensuite, on va conclure avec Avac. C'est aussi un groupe qui a un seul album qui est paru en 2004. C'est un album homonyme. Et la pièce que j'ai tirée de cet album-là, c'est Bertha. Alors, on y va avec Anakdota. ימי בדידות רבים עליי למחוק מזיכרוני, אך לא היטיב הזמן עימי ועם המוני, לכן אלך לי לזונת רחוב ואשכח מצרותיי, למרות שלא היה זה חלום נעוריי. אבחר לי הזונה אחת מתוך כל כך רבות, חלקן אפילו את פניי לא רוצות לראות, ובל אשכח לי שאת שירותן הן אינן ששות לתת, וכל מה שיקרה לא יקרה באמת. Thank you. Splinter cracks, summer tracks, paperbacks, we found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades, in the black field. She wants to stay and talk all day. So I remark Écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Vous écoutez actuellement une émission spéciale consacrée au rock progressif d'Israël. Dans le premier bloc de l'émission, on a eu 3 groupes. Dans le deuxième bloc, on a eu 4 groupes. Et maintenant, au troisième bloc, je vous en propose 4 autres. Le premier, c'est Saul Anima. Et lui, c'est un groupe qui est d'allégeance éclectique et ils ont 2 albums studio. Et la pièce que j'ai extraite, ben, c'est du 2e album paru en 2017, Of Clans and Clones and Clowns. Et la pièce, c'est Aural Sea. Ensuite, on a Efrat, qui est un groupe heavy prog, qui lui a 1 album en 2008. L'album s'intitule No One's Words. Et la pièce que j'ai extraite, c'est Real Attempts 1 to 3. Ensuite, on a un groupe metal du nom de Distorted Harmony avec 3 albums. Et le premier, ben, il s'intitule Utopia. Et je vous ai extrait une partie de la pièce Utopia. Ensuite, on va conclure avec Orphanland, qui lui est un groupe expérimental post-metal. C'est un groupe qui a 7 albums studio à son actif. Et celui que j'ai retenu, c'est le 3e, qui s'intitule Maboul. Et la pièce, c'est un petit moment, la pièce, c'est A Call to Awake. Alors, on y va tout de suite avec Saul Anima. We'll We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Vous écoutez actuellement une émission spéciale consacrée au rock progressif d'Israël. Et avant la pause, on a eu un bloc consacré à du rock progressif metal, heavy et expérimental post-metal. Et pour conclure l'émission, bien, on va aller avec des chansons un petit peu plus mélodiques, avec du crossover. Et on va débuter avec Ziv Ravitz. C'est un chanteur qui a fait un album en 2008. L'album s'intitule Lewis. La pièce que j'ai choisie pour vous, c'est The Lawyer's Daughter. Et ensuite, on aura Telegraph. C'est un groupe, ça, qui a fait un album en 2018. Ça ressemble beaucoup à du Camel. Et c'est un album qui a bénéficié d'un succès d'estime là, à sa sortie. Alors, je vous propose la pièce Out There. Et le titre de l'album, c'est Mir, comme la station spatiale Mir. Et ensuite, on va conclure avec Aperco, qui a sorti un album en 2016. L'album s'intitule The Battle. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est Awaken. Alors, on débute avec Ziv Ravitz. A corner in the world where he lies and waits, lies and waits for your word. You can make him come by whisper, you can make him come by thought. There's a corner in the world. He walked alone the path between the trees to see your kingdom. He met most of them were villains. There's a corner.